Hey, c'est déjà le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, mais avant de le débuter, j'aimerais remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir l'excellence de la musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup au directeur et directrice de programmation des stations suivantes. Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, Radio Cité 97.9 Edmonton, CLS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR, Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Allons-y avec le bloc de l'Ouest. Écoutez, je suis tombé sur quelque chose la semaine passée sur Facebook. Bien sûr, avec tout ce confinage-là, ben on revisite différents moyens de diffuser la musique. Et il y a Radio-Canada dans l'Ouest du pays qui nous a offert Solo Ensemble, un concert avec entre autres Raphaël Frenette, Alexis Normand, Kelly Badeau, il y avait aussi Loïc Morin, mais il y avait également une artiste que j'ai découvert, que j'ai bien aimé. Son nom, c'est tout simplement Brigitte Desjardins du Yukon, et on va entendre une pièce justement de Brigitte Desjardins qu'elle m'a envoyée. Et la pièce, c'est « J'aime une amie ». Vous allez voir, assez intéressant, merci. Donc, et puis, elle travaille quand même tranquillement, pas vite, sur du nouveau matériel francophone. Mais pour l'instant, elle a deux chansons. Et je vais vous envoyer « J'aime une amie » aujourd'hui. Mais parce qu'il faut commencer avec un souvenir, parce que c'est tellement bon, voici Yvon Loisel et le bouc émissaire. À tout prix, il est camouflé par la pluie. Dans ses rêves, il s'enfuit. Mais les cauchemars s'emparent de lui la nuit. Et pour se consoler, il se dit que c'est tout à cause de lui, que c'est comme ça que c'est fait, que c'est comme ça que c'est fait la vie. Il n'est pas comme les autres, mais c'est pas de sa faute, c'est le bouc émissaire. On se moque de lui, on se fiche de lui, ce n'est que la misère. Alors il traîne dans les rues. Il ne se connaît plus. Nous l'avons perdu comme un cerf-volant. Comment sauver cet enfant? Comment sauver cet enfant? Pourrait-on le prendre dans ses bras et le bercer à jamais, au risque de tout l'embarras, de découvrir son secret? Est-il trop tard? question de perception. Mais pour lui, la vie est une prison, car il ne voit les choses que de cette façon. Et pour se consoler, il se dit, ça ne sera pas long, mon Dieu est infiniment bon. Mon Dieu, que son Dieu est infiniment bon. C'était pas comme les autres, ce n'était pas de sa faute, c'était le bouc émissaire. On le traitait de fou, on le traînait dans la boue, on le privait de chair. Nous ne verrons plus traîner dans les rues. Nous l'avons perdu, car le cerf-volant s'est emporté dans le vent. Transporté dans le temps, son âme transportée dans le temps. C'était le bouc émissaire, le bouc émissaire, yeah. C'était le bouc émissaire. Sans ce monde, j'aime une amie.

de prendre la fuite. Je suis bloqué dans le trafic entre la fourche et son style chaotique. Arrivé à Saint-Boniface, c'est ici que j'ai vu les traces d'un millimélo de métissage et de tensions linguistiques, sociales et raciales. Salut Montréal, ici ça parle français. On respecte votre franglais. Franchement, si tout le monde en parle, alors dis-moi de quoi je me mêle. Marche au pas, façon militaire. Militante de Poulou et Riel, on a du caractère. Capital du jet et des bombers. Les franco-manus sont pas bons, ils renvoyaient des bombes. Oh, you rap in French? Oh, that's funny. Oh, sorry, no, you black, you can't rap. Of course you can't rap, I'm sorry, man. Sur Main Street où rien ne se passe, ce n'est que des soirées coup de gorge. Comme si cette rue était le boulevard du crime organisé du Canada. Mais je n'ai jamais cru à l'intox. On veut me dire que le North End est un quartier de tox et de tocarmi. J'ai vu des leaders qui boxent, trop abusés. Mais Jésus m'a dit de tout donner pour cette ville. C'est pour ces gens que je m'applique à prier pour cette cité. On m'a dit de bien raisonner, mais c'est ici qu'on m'a tout donné. J'aime ma ville, j'aime ces gens. Si je reste ici, c'est que je veux marquer cette cité. Comme qu'on dit par chez nous, ça c'est de la toune. Winnipeg Transit de Alpha Toshinesa de son album Triple A. Excellente chanson qui termine le bloc de l'Ouest. J'ai pas grand temps, mais je veux remercier les gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador. CKGM Chiticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, CJPN Fredericton, CHQC Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, CJRO 177 179 Carlsbad Varse, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg au Saskatchewan, Radio Cité 97.9 Edmonton, CILS Victoria Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Et bien entendu, commentaires, suggestions, mais contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à Canrock CDN. Commercial@gmail.com. Voilà que le thème a commencé. J'ai quelques secondes pour vous dire une seule chose. Allez encourager vos artistes locaux. C'est important. Ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduits. Ça, c'est garanti. Sur ça, je vous souhaite bonne semaine musicale. À la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bye-bye!